Le retour. Première partie. Comme le soir était tout venu et que la patronne du restaurant avait déclaré qu'elle entendait rester libre pour passer en famille la veillée de Noël, Jean Fauveau était remonté dans sa chambre dès 8 heures. Si c'est des raisons, avait-il dit en sortant du mauvais cabaret crèmerie qui occupait le rez-de-chaussée. La veille de Noël, est-ce que ça ne ressemble pas aux autres veilles ? D'ordinaire, l'ouvrier typographe demeurait jusqu'à l'heure du coucher à bavarder avec la patronne ou avec d'autres clients, mangeurs économes et las de leur journée, qui fréquentaient à la même enseigne. Et puis, sa mansarde n'était pas chaude par ce temps d'hiver et cette nuit claire, où la Loire charriait des glaçons, où la terre était couverte de neige, où l'eau des toits faisait une barbe à la gueule des gouttières. Jean Fauveau s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la Loire et sur les quais de Nantes. Le fleuve coulait, rapide, resserré entre les bordures de granit et les 1000 courants qui se mêlaient comme les fils d'un câble énorme pour former cette masse en fuite vers la mer. Tantôt soulevait la surface en torsades de feu, tantôt plongeait et disparaissait sous la nappe grisâtre qu'il moirait légèrement. Les bateaux dormaient, tout bruns, rangés en file. Au-delà, les cales de construction maritime, les chantiers, les toits amoncelés des maisons basses de la prairie au Duc et les étendues lointaines des campagnes de l'autre rive, vers la Vendée. Non, Jean Fauveau, vous vous trompez, cette nuit ne ressemble pas aux autres. Les camions ont presque tous cessé de rouler. Les passants sont plus rares et moins affairés que de coutume. Beaucoup de boutiques ont déjà leur devanture à demi fermée, et la menue bande de lumière barrant la chaussée dit que la famille, les petites gens assemblés autour de la lampe, commencent le repos du lendemain. Nuit de Noël. Jean Fauveau songeait, et, comme le vent soufflait du sud, régulier, calme, en marée souriante qui caresse la fer, il entendit les cloches de son pays, les cloches de Vendée qui sonnaient. Elles sonnaient dans les clochers invisibles, éloignées de bien des lieux, et leur bruit arrivait atténué, inégal et continu, pareil au bourdonnement des moucherons d'été à la pointe des arbres. Il disait « Venez à la grande nouvelle qui a réjoui les humbles depuis 1800 ans. Venez, les opprimés, parce que la justice est née. Venez, les souffrants, parce que l'espérance a paru. Venez, les inquiets de la vie, parce que la paix éternelle s'est levée. » Et l'homme, appuyé aux vitres qui tremblaient comme des cordes de violon, se souvint de la terre dont il était l'enfant, pays de ravins au creux desquels chantent des ruisseaux sans nom, pays de bocages et de blé, pays dont les moindres fermes, posées au sommet des coteaux, s'écoutent vivre l'une l'autre quand les 6 bœufs labourent aux 2 versants de la vallée, ou que les hommes font la moisson aux crêtes des collines sœurs. Le sol est rude à travailler, et les têtes aussi sont dures et violentes et difficiles à calmer. Pourquoi avait-il quitté la Musse au Lièvre, ce Jean Fauveau qui gardait encore, sous ses habits d'ouvrier de ville, la démarche bouvière, les yeux vagues, le teint rose piqué de rousselure de sa mère vendéenne? C'est que justement la mère était morte, et, à propos de l'héritage, il y avait eu une scène terrible dans la grande salle de la métairie, si paisible d'ordinaire. Le fils, qui n'avait alors que 16 ans, beau brun de jeunesse, tout doré de cheveux et candide de visage, mais qui en revivait l'énergie sans frein des aïeux, avait osé demander un soir « Donnez-moi mon droit. J'ai hérité de notre mère avec ma sœur Justine. Je veux ma part. » L'audace était grande et presque incroyable. Demander des comptes, exiger l'héritage. Alors le père, qui avait du mal à vivre malgré son travail opiniâtre, lui qui mettait son autorité bien au-dessus de la loi et ne connaissait pas de volonté qui passât devant la sienne, s'était levé du coin de la cheminée et à coups de trique avait chassé comme un vaurien l'enfant qui manquait aux usages anciens. Il ne s'était plus revu. Jean s'était dirigé vers la ville. Il était entré comme apprenti, puis comme ouvrier dans l'imprimerie d'un journal, et, 8 heures par jour, il travaillait dans l'atelier bas d'étage, au bruit des machines qui roulaient, au feu des becs de gaz qu'on devait allumer, à cause de l'obscurité de la rue, bien avant le coucher du soleil. Et certes, il s'était résigné, même habitué à son sort. Il avait 24 ans. Mais, depuis le retour du service militaire, où la vie en plein air l'avait pendant plus de 2 ans ressaisi, il trouvait les semaines plus longues et l'atmosphère de la ville plus lourde. Plusieurs fois, l'idée lui était venue de revoir sa sœur Justine et le toit de la Musse au Lièvre, qui fumait entre 3 ormeaux aussi vieux que les chemins. Car pour le père, c'était fini entre eux, n'est-ce pas? Et à jamais. Les cloches devant sonner, appelant les paroisses qui ne dormaient pas ce soir-là. Elle avait dû vieillir, la sœur Justine, depuis 8 ans qu'il n'avait plus rencontré le regard de ses yeux gris. Elle ressemblait au père, haute sur jambes comme lui, la taille courte, le visage long et sévère, l'air peu commode aussi dans l'ordinaire de la vie. Elle faisait la moitié du travail à la métairie, cueillant les choux pour les bêtes, conduisant une charrette aussi bien qu'un homme, capable de toucher les bœufs comme un valet de ferme, entendu dans les soins du ménage au point que les jeunes filles des fermes voisines venaient lui demander des leçons. Qui est-ce qui savait mieux écrémer le lait, barater, modeler le beurre en belles mottes fermes qu'elle marquait d'une quadruple empreinte de feuilles de fougère? Où mangeait-on du pain plus blanc que celui qu'elle boulangeait et cuisait chaque semaine? À l'époque des grandes fatigues d'été, quand les faucheurs d'herbe tombent de lassitude à l'heure de midi, quelle mère était plus exacte à paraître sur la lisière des champs, les mains embarrassées? « Ohé, le père, ohé, Jean, voilà la soupe, voilà le cidre. » Et dans la serviette qui enveloppait la soupière, on trouvait presque toujours une galette dorée qu'elle avait pétrie à la première heure du jour et mise sous la cendre. C'est vrai qu'elle n'aimait pas qu'on se mêlât de ses affaires, qu'elle grondait si on passait avec une veste mouillée trop près de ses armoires luisantes comme du cuivre neuf. Mais elle avait le cœur tendre avec ses airs revêches, et si le père souffrait, si Jean souffrait surtout, il n'était rien de si doux que les yeux inquiets ou l'habituelle préoccupation du devoir faisant place à la pitié, au souci d'amour. Ah, Justine, Justine, combien de fois, dans la solitude du régiment ou de la ville, votre pensée avait remué le cœur de Jean Fauveau, comme le seul souvenir qu'il eût d'une affection sans reproche et sans lassitude. Les quais étaient devenus à peu près déserts. La lune se levait au-dessus de la vallée. La neige prenait, au toucher du regard, une mollesse aérienne. Le vent faiblissait, mollissait, et on eût dit qu'il se repliait devant la marée envahissante de la clarté lunaire. À pareille heure, la porte était close et la chandelle allumée dans la grande salle de la Musse au Lièvre. Si le père n'avait pas changé de coutume, il épluchait des châtaignes, assis au côté droit de la cheminée, parlant peu, levant les yeux de temps à autre vers l'horloge qui tic-taquait près de la fenêtre, tandis que Justine et le valet, de l'autre côté du foyer, se chauffaient. L'homme ne faisant rien, la vieille fille ayant les doigts occupés, bien sûr, et l'esprit en songerie. Quelle place tenait encore le fils, le frère, dans ces cœurs silencieux? Même en tenait-il encore une? Que cela était cruel de ne pas savoir si le regret était pareil là-bas et ici. Quel réconfort c'eût été d'aller seulement s'asseoir au fond de la chambre sans rien dire, de les voir et d'emporter la certitude qu'on appartenait encore à une famille par un lien relâché, usé, mais non tout à fait brisé. À mesure qu'il y pensait, la tentation devenait plus forte, et Jean finit par dire « J'irai. Je ne demanderai que la permission de les regarder. Je les suivrai à l'église, mais je ne me mettrai pas dans leur banc à cause du père qui m'a chassé. Et je reviendrai ici avec une image nouvelle de leur figure, et eux, ils auront une nouvelle idée de moi, parce que nos souvenirs commencent à s'effacer. » Il sortit de la mansarde, jeta la clé sous le paillasson et courut à la gare, d'où partait un train pour la Vendée. Après 3 quarts d'heure de route, il descendit à une petite maison, seul voyageur qui eut affaire dans cette campagne profonde où tout de suite il entra. Comme il la reconnaissait! Les chemins en berceau tordaient leurs voies herbeuses à travers les champs des guérets poudrés de blanc. Il y faisait sombre, tant il y avait de rainures aux souches inclinées. La glace des ornières craquait sous le pied, et c'était un bruit presque effrayant dans le silence total de 10 heures du soir. Les cloches ne sonnaient plus. Au carrefour, les arbres s'écartaient. Jean Fauveau s'arrêtait, et il respirait à plein poumon l'air de chez lui, l'air qui émeut de joie le sang qu'il a formé. Il regardait toutes choses avec surprise de les retrouver. Il nommait par leur nom les prés, les pièces ensemencées ou prêtes pour la semence, et les toits à peine visibles que la neige confondait avec la pente des terres. Oh, le long voyage à chaque pas retardé! Les étoiles s'étaient mises à fleurir comme une treille prodigieuse. L'amas de leur floraison faisait des grappes, et les grappes se superposaient et se mêlaient, et c'était de l'or partout, dont il tombait des gouttes à travers l'azur. Pour qui donc? Bien peu d'hommes en ce moment levaient les yeux. Mais qu'importent les hommes? Il y avait non loin de là des étendues de mer immobile qui reflétaient 100 milliards d'étoiles, et des cailloux vernis par le torrent d'un fossé qui en reflétait une seule, toute tremblante. Et sans doute, les saints de Vendée, en l'honneur de la Noël, comme les aïeuls l'ont raconté, passaient à cette heure même en bénissant la terre confiée à leur patronage. L'air était frémissant comme d'un battement d'ailes. On ne voyait aucune forme s'y mouvoir. Les cieux paraissaient vides, mais une consolation descendait vers ceux qui regardaient en haut. Beaucoup d'enfants, couchés dans leur berceau, tournaient leurs yeux vers la fenêtre s'envoler et souriaient obstinément. Beaucoup de mères qui chantaient en vain pour les endormir disaient « Voyez, il y a pourtant tout ce qu'il lui faut. » Les saints passaient. Jean Fauveau pensait « Je n'aurais pas cru que ça fît tant de bien de revenir. Comme il faisait doux chez nous. » Et il n'avançait guère, bien qu'il eût hâte de revoir la Muse au lièvre. Mais, vers les 11 heures de nuit, quand il fut devant la porte du milieu, sous les 3 ormeaux qui étaient pleins d'étoiles entre leurs branches, sur le tertre d'où les grandes haies sombres semblaient couler vers les vallons, il fut pris d'un tremblement de peur. Le père, que va-t-il dire? Il est là, tout à côté. Il va sortir, tout à l'heure, avec son livre de prière sous le bras, et, pour la 8e fois, prendre tout seul avec Justine le chemin de la messe de minuit. Sans doute il en souffre encore, et il me renie tout bas. Le mugissement d'un bœuf s'éleva de l'étable voisine. Jean se détourna, et il entra par l'étable où les bêtes étaient couchées, masse d'ombre chaude, soufflante, dont il voyait les yeux vaguement se diriger vers lui et le suivre. Elle ne se levait pas. Elle n'avait pas peur. Elle reconnaissait, à la façon qu'il avait de marcher, que c'était un paysan des terres profondes de par là. Et il se sentait un peu chez lui, les voyant calmes comme autrefois et sans surprise. Il lui en vint du courage, et, comme l'étable communiquait avec la maison, il se trouva tout à coup à l'extrémité de la salle, dans le noir de la porte restée ouverte, son chapeau à la main. Le foyer flambait. Un cri partit. « Ah ! Jean !» La femme s'était dressée, prompte comme une mère. La première, elle avait entendu. Le premier, son regard infaillible, avait deviné dans l'ombre l'enfant qu'elle attendait depuis 8 ans. Elle était debout, une main sur le dossier de sa chaise, la poitrine haletante, le visage transfiguré de joie. Ses yeux, éclairés par la flamme, disaient « Viens !» Mais elle n'osait s'avancer ni parler, et, muette, elle interrogeait le père, de qui elle dépendait comme Jean, comme le valet renversé en arrière et stupide d'étonnement, comme les bœufs et toutes choses dans la métairie. Lui n'avait pas fait d'autre mouvement que de lever les yeux vers le fond de la salle. Assis dans la cheminée même, tout contre le chambranle, les jambes pliées et rapprochées, les mains ramenées sur les genoux, il était en pleine lumière. Et la lumière pénétrait ses yeux, qui étaient les mêmes, toujours calmes, sévères, sans une faiblesse. Aucune lassitude du corps n'avait diminué leur volonté. Le poil qui descendait le long des joues en deux favoris courts était tout blanc. L'âge et le malheur avaient taillé en pleine chair dans le masque amaigri, mais la vigueur du ressentiment n'était pas tombée. L'émotion, s'il en avait eu, était restée en lui. Le regard ne disait qu'une chose. « Je me souviens, tu es Jean le chassé, Jean l'ingrat. Si tu ne viens pas demander ton pardon, que viens-tu faire ici ?» Jean se taisait. Justine, un moment indécise, voyant qu'il ne se parlait point, comprit que ce n'était qu'une visite du frère et qu'il fallait une permission pour entrer. Alors, étendant les deux mains vers le père pour le supplier de ne pas s'opposer, d'avoir pitié d'elle au moins, elle alla jusqu'à la porte de l'étable et, dans ses bras, elle enveloppa son frère Jean, mettant la mauvaise tête blonde sur son châle noir qui lui donnait un air de veuve, et murmurant « Te voilà, te voilà !» Elle se dégagea ensuite, tout doucement, le prit par la main et l'amena à travers la chambre jusqu'auprès du foyer. Le père fixait toujours l'enfant qui s'approchait, mais Jean, à mesure, avait baissé la tête, et il aurait pleuré sans la honte que lui faisait le Bouvier qui regardait aussi. « Mon père, dit-il, nous n'avons pas de travail demain, et je suis venu à la Musse, si vous voulez bien, pour passer la fête. » Le vieux attendait-il autre chose ? Il ne répondit rien. Seulement, après un intervalle pendant lequel une cloche se mit à sonner au loin, il allongea le bras droit et désigna une chaise de l'autre côté de la cheminée, près du garçon de ferme. C'était la permission accordée. Mais il avait eu un geste si grand et si autoritaire que les enfants se turent, oubliant leur âge. Peu à peu, cependant, Justine, assise à côté de Jean, osa lui parler par phrases courtes, à voix basse, cherchant à reconnaître, sous ses nouveaux habits, Jean d'autrefois. Elle se mit à lui dire des choses du pays. « Ça n'a pas beaucoup changé ici. Tu vas retrouver toute la Musse, demain, quand il fera jour. » Pourtant, je te préviens, le grand cormier a été cassé par l'orage, tu sais, le cormier qui donnait de si belles cormes molles. Oui, disait Jean, je me rappelle, au coin de la pièce de la lande, près de la barrière qui était si lourde. Oh, elle est pourrie celle-là, et remplacée. Il y a aussi la haie entre les deux guitières que le père a fait abattre. Maintenant, le froment vient là comme chez lui, et l'avoine de même. Pour les étables, tu comprends, les bœufs ont souvent été vendus, achetés et vendus encore depuis le temps. Mais c'est toujours la même espèce, des Vendéens qui ont de la corne, qui sont braves. Tu verras. Je n'aurai pas le temps de voir, Justine. C'est vrai, tu n'auras pas le temps. La ville, la ville. Elle soupira et ajouta. Tu trouveras dans le bourg une maison neuve qu'a bâtie le métayer de Hutto. L'ancien qui avait de la vigne blanche au bas de chez nous. Et ainsi, par phrases coupées de silence, le frère et la sœur, serrés l'un contre l'autre, isolés dans leur amour, comme s'ils formaient une île dans la salle, commençaient à revivre la vie commune dont l'un s'était exilé. Mais leurs mots chuchotés ne faisaient pas tant de bruit que le soufflet de l'air sous les portes, que le craquement des brindilles sèches dans le feu, que le tic-tac de l'horloge. Il parlait craintivement. Quand le père remuait ses souliers ferrés, on voyait bien au contraire que celui-là osait et commandait. Le vieux métayer n'avait pas cessé d'éplucher pour le souper de Noël des châtaignes bouillies qui formaient à côté de lui une motte violette et fumante au fond d'un plat de terre. Mais il n'en mangeait plus, comme il faisait de temps à autre avant l'arrivée du fils, et ses mains bosselées, maladroite aux menus ouvrages, ne s'arrêtait pas de travailler. On l'eût dit indifférent à la présence de Jean Fuveau. Quelquefois seulement, il dressait sa tête grise. Il étendait vers l'ouverture de la cheminée sa bonne oreille et les boucles de ses cheveux longs sur lesquels était marqué le pli luisant du chapeau, et il écoutait le son des cloches qui venaient de là-haut. Il devait être 11h30 quand il se leva, traversa la chambre et dit « C'est l'heure. » Jean Fauveau le trouva de si haute taille debout qu'il en fut stupéfait comme d'une chose qu'il ne se rappelait pas. Il demeurait courbé vers le foyer, devant la flamme diminuée qui continuait de brûler des deux bouts du fagot jeté en travers des chenets. Peut-être sentait-il derrière lui les yeux du métayer qui, dans l'ombre, se vêtissait et, pour la première fois, regardait son fils humilié et l'appelait de cette voix muette du cœur qui se fait entendre pourtant et qui relie les âmes. Jean souffrait, et il devinait une autre souffrance voisine de la sienne, dans le silence de la chambre de la Muse aux Lièvres. Le père prenait son chapeau, décrochait son bâton à poignée de cuir. Les bœufs, réveillés dans leur somnolence nocturne, frottaient leurs cornes aux planches des mangeoires. Il y eut plus loin un cri d'effarement de toute la volaille, canards, poulets et oies, des battements d'ailes, une bataille de 200 bêtes logées à l'étroit et heurtant les cloisons de la cabane. Et, tout de suite après, Justine, qui était sortie, ouvrit la porte de la Muse en secouant son tablier. « Eh bien, dit-elle gaiement, j'en aurai cette année. »« Quoi donc ? » demanda Jean. « Des œufs. Tu ne te souviens pas que, quand les poules et les cannes sont bien nourries en cette nuit-ci, elles pondent l'année durant sans se lasser. » L'ouvrier sourit, car c'était l'unique et bien innocente superstition de Justine. Il se le rappelait maintenant. Elle ne manquait pas autrefois, même quand elle n'allait pas à la messe de minuit, de se lever pour donner aux volailles le grain de Noël. Une voix sonna, claire et forte celle-là, dans la chambre. « Jean, fit le père, tu peux rester ou tu peux venir, selon ton choix. Le valet gardera la Muse. » Il prit les devants, et Jean et sa sœur le suivirent l'un près de l'autre. On descendit la pente vers le village. La nuit s'était encore adoucie, mais elle vivait sourdement et partout. En ce moment, tous les chiens aboyaient aux passants invisibles. De chaque ferme, des groupes partaient, silencieux, rangés en file à cause des ornières glacées qui diminuaient la largeur du chemin praticable. Le bruit des pas, amorti par la neige, montait droit et léger, comme les fumées des brûlots d'automne. On se rencontrait au carrefour, et c'était des bonsoirs sans hâte de gens qui ne perdent pas leurs songes pour si peu. Les femmes se rapprochaient en arrière. Les hommes longeaient, comme à la charrue, chacun sa route d'herbe. En tête, le métayer marchait. Sous son chapeau, on voyait les boucles débordantes de ses cheveux gris que la lune pâlissait, et qui remuaient à chacune de ses enjambées comme les cendres mortes du foyer de la Muse. Deuxième partie. Jean Fauveau, quand il fut de retour du village, alla se coucher dans l'étable. Il se jeta dans le foin, mécontent, honteux, parce qu'il s'était senti étranger partout. Chez lui, Justine seule l'avait accueilli. À l'église, il n'avait pas osé monter jusqu'au banc du père, de crainte d'un scandale, si le métayer venait à dire « N'entre pas ici, retourne où vont les errants, les pauvres, les sans-famille, au bas de l'église. » Et il s'était caché parmi les valets, les estropiés, les coureurs de chemin que la lente procession des gens libres et avoués traînait derrière elle. Là même on le regardait. Des filles se détournaient, demandant « Est-ce que c'est lui ?» Il avait lu sa déchéance dans le salut bref des anciens, qu'au sortir de la messe il avait cru devoir saluer, et qui répondaient d'un signe de tête, sans lever leur chapeau, comme on fait pour les gens de peu. Maintenant, il achevait la nuit dans la crèche au foin, mécontent de l'idée qu'il avait eue de revenir, et de la vie qui est dure, mais décidé à revoir au moins ses champs, qui n'avaient pas dû changer pour lui. Après cela, il partirait. Quand le jour fut venu, il se glissa dehors. La neige fondait partout, et les choses perdaient l'aspect étrange qu'elle leur donne. Il se mit à suivre les haies de chacune des pièces de la métairie, les quatre haies sans feuilles, d'où les souvenirs se levaient pour lui à chaque pas. Dénicheur de nids, gardeur d'oies, puis gardeur de vaches, siffleur qui luttait avec les merles, tendeur de collets et de trébuchets, toucheur de bœufs, il revivait son enfance jour par jour. Ici, la mère, pour la dernière fois, avait semé le froment de sa main qui s'ouvrait à la graine maternellement, soigneusement, comme à un petit qu'on lâche et dont on n'est pas sûr. Là, dans ce buisson de houx, il avait coupé son dernier aiguillon. Là, il avait pris le manche de la charrue, à l'âge de 15 ans, un après-midi que le père était malade. Là encore, tout un hiver, il s'était fait casseur de bois de souche et planteur de pommiers. Comme ils avaient poussé en 8 ans, les pommiers. Ils ouvraient leurs branches en parasol, et l'herbe était plus touffue où tombait leur ombre. Et qu'il y avait de beaux blés déjà, pour la saison, dans la lande où jadis la moisson était maigre. Il était seul dans la campagne qu'endormait le jour de Noël, et après qu'il eut parcouru le domaine que cultivait le père, il voulut visiter les métairies voisines. Jusqu'au soir, il erra, repris au charme de ces terres qui serraient et happaient la semelle de ses bottes, et, contrainte de lâcher, criait sous l'effort. Il emportait un peu de boue de chacun des champs, et il était content de sentir ses pieds lourds de leur moite mêlée. Las, les yeux cernés, affamé, il rentra à la Musse à l'heure où la brume noyait de bleu les prés bas et les lignes des fossés. Le père était assis au haut bout de la table, le valet un peu plus loin, et Justine, debout, servait les hommes. La soupe fumait, le lard attendait près du feu. Une chandelle de suif éclairait en dessous le visage glabre et vénérable du métayer, doyen des laboureurs de la paroisse, en qui se reconnaissait la fatigue de la vie entière et celle d'une fin de jour, et aussi la force cachée, l'inébranlable paix qui les domine toutes. Jean Fauveau ne vit en entrant que ce visage, qui était le plus voisin de la lumière, et il lui sembla qu'il y avait quelque chose d'attendri dans le regard et dans la voix, comme une pitié qui filtrait entre les cils baissés. « Jean, fit le père, tu dois être las, mon garçon. Approche si tu as faim, et mange avec nous. » Mais il ne dit rien de plus. L'ouvrier prit la cuillère que lui tendait Justine, et la plongea dans la soupière, en mesure, après le père et le valet, avec cette même régularité que mettent les hommes de campagne quand ils battent au fléau. Il cessa bientôt, avant les autres. Il n'avait plus le robuste appétit de ces travailleurs en plein air qui continuaient indéfiniment de puiser dans le plat, tant qu'il restait une feuille de chou et une tranche de pain. Au moment où il se levait de table, le métayer dit encore « Je croyais que tu serais parti ce soir. » « Non, demain, par le premier train. J'ai voulu revoir nos champs de la Musse. Ça a changé un peu, père, et c'est en bon état. » À ces mots qui touchaient aux profondeurs même de son âme paysanne, le vieux, qui déjà regagnait son coin familier près de la cheminée, se détourna et eut un sourire triste en regardant le maigre pantalon noir tout crotté et les souliers boueux de son fils. « La terre est bonne, dit-il, et Dieu aussi est bon. Mais je vieillis. Justine n'a pas voulu se marier, et j'ai moins de goût pour la Musse, parce que je ne la laisserai à personne. » Il eut comme un sanglot et dit encore « Allons, bonsoir, mon garçon. Si tu mets 8 ans à revenir, quand tu reviendras, je ne serai plus là. Toi, cependant, je ne veux pas que tu dormes 2 nuits dans une étable. Tu as besoin d'un lit. Prends celui du valet qui est parti voilà 2 mois pour le service. » Ils se turent l'un et l'autre. Jean Fauveau se retira dans la petite chambre à l'autre bout de l'étable, où le second valet avait dormi de tout le temps, et se jeta sur le lit. Mais il ne dormit pas. La nuit promenait ses étoiles au-dessus des brumes tièdes qui caressaient la neige et la fondaient. Toutes les ardoises avaient une goutte tremblante pendue au bord, et c'était une musique douce autour de la Musse, cette chanson du dégel que chantent les pierres du chemin martelées par l'eau des toits. Vers l'heure où les premiers coqs s'éveillent, une lumière entra dans la chambre. Jean reconnut Justine, qui s'était habillée, bien serrée dans son châle noir des jours de fête et de marché. Elle posa la lanterne sur une barrique vide qu'il y avait là, s'assit auprès du lit et dit « Je vais te faire la conduite jusqu'à la gare, mon petit frère, puisque aussi bien je suis privé de toi si longtemps. Est-ce qu'on sait quand on se reverra ? » Le père dort encore. Mais lui la considérait avec une tendresse dont elle était un peu consolée et un peu étonnée, et il ne disait rien. « Tu n'es donc pas bien éveillé, Jeannot. Je vais te laisser, mais lève-toi vite. » Jean était moins pressé. Il lui caressait la main qu'elle ne retirait pas, et, après un long moment, il demanda. « Justine, pourquoi ne t'es-tu pas mariée ?»« Pourquoi je ne me... Seigneur Jésus, qu'as-tu à faire de cela ?» Elle se redressa un peu, détourna le regard et dit « Parce qu'il ne me plaisait pas. » « Justine, tu ne dis pas vrai. Tu as rougi hier soir quand le père a dit que tu ne t'étais pas mariée. Pourquoi ?» Elle ne répondit pas. La poitrine battait sous le châle noir. Jean devina que le cœur était plein de sanglots, que le courage allait faiblir. « Tu ne t'es pas mariée à cause de moi, » dit-il. « Oh, Jean, je le sais bien, va, pour que ma place ne fût pas prise à la muse, pauvre chère fille. » Un petit cri lui prouva qu'il avait dit juste. La sœur, éperdue, hors d'elle-même, cherchait à dégager sa main et à s'enfuir dans le voisinage du père, à l'ombre où les secrets se gardaient bien sans que personne interrogeât. Mais lui, à voix très basse, avec une fermeté que devaient avoir les vieux chefs dans l'abri des landes et des bois, au temps des guerres civiles, il commanda. « Sœur Justine, as-tu encore la veste que je mettais pour suivre le père au foire ?»« Oui, je l'ai serrée. » « Apporte-la-moi. As-tu encore mes sabots de hêtre flambés ?»« Je les ai donnés, mais j'en ai de neufs que j'avais achetés pour le valet. »« Va les chercher. As-tu mon aiguillon de cormier ?»« Oui, mon Jean, avec les clous dorés que j'avais piqués autour. »« Sœur Justine, ne fais pas de bruit. Apporte-moi tout ça. » »« Et que vas-tu faire, Jean Fouveau ?»« Je reste, » dit le gars. « Je vais demander pardon au père, d'une manière que tu vas voir. » Une lueur de grande joie traversa les yeux de la Vendéenne, qui se leva, muette, enthousiaste, pareille aux aïeules porteuses de messages de guerre à travers la campagne, femmes timides en paroles, dont on ne devinait le grand cœur qu'à l'ardeur de leurs yeux. Et on ne l'entendit ni sortir, ni marcher, ni ouvrir l'armoire où elle avait serré ses anciens souvenirs. Et les coqs seuls chantaient et troublaient la nuit finissante avec les gouttes de pluie du dégel. « Dig et dig et dig, dig dag » faisait-elle. Mais les souliers de Justine semblaient être de laine parce qu'elle remplissait une mission confiée par un homme, et la plus douce qui fut pour son cœur de sœur et de fille. Bientôt, sous les poutres basses de l'étable, Jean vint la rejoindre comme au temps où il avait quitté la muse. À eux deux, combinant leurs mouvements avec précaution, et moitié riant et moitié pleurant, ils détachèrent les quatre bœufs, les firent sortir dans la cour, et les enjuguèrent en deux couples. Puis ils prirent le chemin qui montait d'abord et descendait vite vers le levant. Le père crut que c'était son troupeau de vaches qui partait pour le pré. Les bœufs et les deux enfants de la muse au lièvre s'avançaient dans le chemin boueux, entre les haies noires, et, là où il est passé, un nuage d'haleine chaude se levait comme des brumes d'argent. Le père se vêtait, songeant douloureusement à Jean Fauveau, qui était venu et s'en était allé. Jean et Justine ouvrirent la barrière d'un champ à peu près carré, où les herbes, piétinées par les moutons, çà et là se couchaient et çà et là se dressaient, hautes comme un enfant de 5 ans. Justine avait pris l'aiguillon en main, et, immobile maintenant, elle regardait vers le dernier coude du chemin qui tournait souvent et s'ouvrait tout à coup. Son frère avait attelé les deux couples de bœufs à la charrue qu'on avait laissée là, avant Noël, pour le prochain labour. Ils avaient aligné son harnais, et il attendait aussi debout, les deux bras appuyés aux manches de bois, prêts à guider le soc dès que les bœufs tireraient. Le frère et la sœur n'échangeaient pas un seul mot. Le matin gris levait un à un les voiles des collines. Le métayer arrivait par le chemin, la tête basse, afin de tenir la charrue, supposant que son valet avait pris les devants avec les bœufs. Le cœur battait vite à Jean et à Justine. Le père venait. Il approchait. Il devait être en face du cormier, là, près du détour. Enfin, il se montra entre les haies, à 10 pas de la barrière. Il regardait le chemin sous son grand chapeau au bord baissé. Il avait l'air de compter les pierres de la route ou les peines de la vie. Et ce fut seulement quand il sentit sur ses guêtres les tiges croisées des herbes de la jachère, qu'il se redressa pour voir où il commencerait le labour. Alors, devant lui, il aperçut sa fille qui tenait l'aiguillon, son fils qui tenait la charrue, et les quatre bœufs, le mufle bas, qui soufflait au ras des anciens sillons. Les deux mains lui tombèrent le long du corps, il devint blanc comme le brouillard. « Mon père, dit le fils en levant son chapeau, faut-il viser avec ma charrue la souche d'ormeau ou celle de cornouiller ?» Un temps, le père ne fut pas capable de parler. De grosses larmes lui coulaient des yeux. Il retrouva enfin la voix pour dire « Pointe sur la cornouille, Jean Fauveau, et va bien droit. » Justine posa en travers, sur le dos des deux premiers bœufs, l'aiguillon d'autrefois. Dans l'air matinal, quatre noms, lancés à tue-tête par une voix jeune, chaude, heureuse, apprirent à la Vendée qu'un de ses fils était de retour. « Caillard, Rougeau, Mortagne, Maréchaux !» Et les bœufs descendirent sagement, bien droits, vers la cornouille.